Salut et bienvenue sur la petite pause JDR. Alors, avant que vous regardiez cette vidéo, juste un petit message. Il s'adresse exclusivement aux gens qui, en ce moment ou dans le futur, voudraient être joueurs des Genesis. Dans l'arc 1, tout était custom. Charlie a tout fait de A à Z. Mais dans cet arc 2, c'est une campagne éditeur. Donc, si vous voulez pas vous faire spoiler et connaître tout avant de jouer, on ne sait jamais si votre MJ décide de jouer cette campagne, ce serait quand même dommage. Je vous conseille de ne pas regarder. C'est dommage, mais il n'y a pas le choix. Sinon, pour les autres, je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous dis à la prochaine. Salut! La Borka, terre désolée qui fut autrefois une Europe florissante, connaît aujourd'hui une période très agitée. Quelques mois ont passé depuis les terribles événements de Moonlighter, ainsi que la disparition tragique d'Abby. Mokosh et Torik ont fait leur deuil, chacun de leur côté. Torik, hospital, et Mokosh parmi les siens. Mais le destin ramène toujours des âmes perdues l'une vers l'autre. Où va-t-il les mener maintenant? Nous allons donc reprendre plusieurs mois après les derniers événements. Les héros sont rentrés à Justicienne et ont été accueillis par de nombreux membres de leur culte en héros. On va pas se mentir, vous êtes globalement les guerriers qui rentrent de la guerre. Malheureusement, vous avez perdu beaucoup là-bas et certains d'entre vous ne sont même pas revenus du tout. La guerre du Nord s'avérait quand même relativement compliqué jusqu'à ce que, en tout cas pour le commun des mortels, on apprenne l'information que la tête du serpent ait été coupée. Pour toi, Antoine, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait une menace qui s'était formée au nord, et les héros, donc ceux qui sont juste ici, ont réussi à tuer leur chef. C'était quoi? C'était un clan? Exactement, c'était un culte d'anabaptistes, un clan, un nid d'anabaptistes qui s'était créé et qui avait le apocalyptique. soutien d'un phéromancien qui est un homme de Genesis. Attends, faut que je demande ton son parce que je... Vas-y, vas-y, c'est le moment. Putain, mais des tombes, c'est l'apocalypse. Parle, vas-y, là. Tu m'entends mieux? Ouais, c'est mieux. Parfait. Donc, la tête du serpent ayant été coupée, il fut. Enfin, la nuée a été complètement dispersée. Et les rares survivants se sont fait capturer puis tuer par des juges et des spitaliers en patrouille. Pendant ce temps-là, bien loin de toute cette guerre, le clan du cafard, tapis dans leur forêt, sentent que les armées ont dû se rediriger et que le front est légèrement affaibli. Une dit deux, ils en profitent, réveillent leur roi, qui sont des cafards de 2 mètres de haut, transportant d'énormes masses qui sont complètement difformes, vraiment, et qui sont quasiment d'ailleurs les seuls à coucher avec les femelles du clan du cafard. C'est une espèce de principe de sélection naturelle qui mettent. Dans le but d'avoir uniquement des guerriers ultra puissants. Les rois se sont réveillés et ont commencé à envahir le protectorat. Le camp de résistance ouest qui tenait éloigné les cafards est tombé le lendemain de la mort du féromancien. Tout ce qu'il en reste, c'est une espèce de fumée noire épaisse qu'on peut observer des kilomètres à des kilomètres de là. Et pendant ce temps-là, le juge Archaud, celui qui contrôle le justicienne, lui, il en profite pour faire passer de nouvelles lois. Désormais, les juges sont complètement omniprésents dans la ville. Il n'est pas rare de croiser des patrouilles à toute heure de la journée. Des quartiers comme celui de l'épave sont devenus complètement infréquentables. Surtout pour ceux qui ne veulent pas avoir affaire à l'autorité en place. Idem, le nombre d'hospitaliers placés aux entrées de la ville a été doublé. Et les contrôles se font relativement plus fréquents. Il devient de plus en plus compliqué d'importer de la brûlure en ville. Et d'ailleurs, en parlant d'hospitaliers, actuellement, l'un de ceux qui se trouve actuellement en train de garder la porte principale décide de s'en aller et va rejoindre l'hôpital. Il monte sur son cheval. Son visage, depuis son dernier combat, laisse apparaître une énorme cicatrice au niveau de la joue. Mais pour ce soir, enfin ce soir pour Torik est un grand soir. Puisque c'est le soir de la promotion où il va devenir médecin interne. Quelques instants plus tard, il arrive devant l'imposante structure du hôpital. Il passe le quartier des malades et le sas de décontamination, évidemment. Il rentre dans le hall pour retrouver d'autres familanciers comme lui. Il croise quelques amis à lui, comme par exemple Yalka, une hospitalière qui est reconnue pour avoir tué à elle seule deux rois cafards. Évidemment, un peu comme Torik, ce genre d'info tourne au niveau du hôpital quand de jeunes recrues arrivent comme ça à rentrer dans la légende. La réception se fait dans un grand hall. Torik, tu vois des centaines d'hospitaliers qui sont là réunis pour vous voir, vous, les nouvelles recrues passées de grade. Ce soir est uniquement concentré par rapport aux médecins de terrain, en tout cas les femmes lancées qui vont devenir médecins de terrain. Et vous avez de grandes têtes d'hôpital, des mecs de renom très connus qui sont là, qui vous observent, un verre à la main. En effet, il y a une espèce de petit banquet où vous pouvez y prendre ce que vous voulez. Un grand buffet qui a été organisé spécialement pour l'occasion. Puisque les passages de grade ne se font qu'une fois par an. Quelques instants plus tard, lorsque tout le monde est arrivé, un docteur, le docteur Falz, de rang 5, monte sur une espèce d'estrade et commence un discours. Il va y parler des valeurs de l'hôpital, de ces jeunes recrues qui ont prouvé leur valeur et qui peuvent ainsi échapper au front et vont recevoir leur nouveau grade. Il appelle plusieurs noms, dont celui de Torik. Il t'appelle en troisième. Torik, tu t'avances tout comme les autres au niveau de l'estrade. Attention de bien monter les marches pour pas me péter la gueule. Bien sûr. Tu vois, tu poses fièrement. Tous les soldats se mettent au garde à vous. Et le chef conclut son discours en les félicitant. À ce moment-là, la salle entière se met à applaudir. Et des personnes commencent à s'avancer avec de l'équipement. En effet, ton équipement va changer tout comme ton rang. Torik est donc officiellement de rang 4. Tu possèdes désormais ta trousse et tout l'équipement dont on a vu avant qui va avec. Et pour l'occasion, tu vas avoir le droit dans le Dead Genesis Inventory à un nouveau skin. Celui de Torik de rang 4. Alors. Wouah. Classe. Oh. Là, faut me prendre au sérieux, là, maintenant. Ouais. Attention à vous. Quelques instants plus tard, une fois la soirée terminée, enfin, plus avancée, alors que les hospitaliers sont tous descendus de l'estrade et ont rejoint leurs collègues au niveau de la salle, mêlant félicitations à discussions professionnelles. Tu sais d'ailleurs que beaucoup d'hospitaliers, enfin des nouveaux médecins de terrain n'ont plus qu'un seul sujet à la bouche. Ça va être de se trouver une mission et de faire leur preuve dans les mois qui viennent, de prouver aux hôpitaux qu'ils sont dignes de leur nouveau rang. Et d'ailleurs, pour ça, toi, tu possèdes une petite... comment dire, un tuyau que Mokosh t'a refilé. Et d'ailleurs, tu sais que tu vas devoir la rejoindre dans quelques heures à peine. La plupart des jeunes recrues ont prévu de fêter l'événement en dehors du hôpital. Alors, lorsque tout le côté administratif, que les discours sont terminés et qu'il ne reste plus rien du banquet, tu sors et tu rejoins tes camarades de promo, désormais nouveau médecin de terrain, et vous allez sortir du hôpital. À quelques kilomètres de là, vous arrivez sur une espèce de grand feu de camp, un grand feu de joie qui a été organisé en plein milieu de la campagne. Vous me dites si c'est bon. Parfait. J'entends le feu d'ici. Et justement, au niveau de ce grand feu qui crépite, tu aperçois la silhouette de Mokosh, du commissaire Pryl et de Wolfgang, l'anabaptiste de Karf. Évidemment, il y a beaucoup plus de monde autour du feu. Il y a une bonne centaine de personnes, beaucoup d'hospitaliers qui sont là pour accueillir les nouveaux médecins de terrain, la nouvelle génération prometteuse du hôpital. Et Mokosh qui a elle également bien changé depuis un an et demi. En la revoyant ici, ça va faire quelques mois du coup que vous vous êtes pas vu, enfin ou peut-être très peu. Tu vois qu'elle a l'air mine de rien plus ferme qu'à l'époque. Elle fait moins gamine, on a encore moins envie de l'emmerder. Elle est vêtue d'un manteau ample, elle a désormais un pantalon aux couleurs des anabaptistes. Et toujours son espadon posé sur l'épaule avec la croix anabaptiste clouée à l'intérieur. D'ailleurs, tu vois qu'elle arbore fièrement la dague retirée du pommeau qu'elle avait découvert lors du fameux combat contre les géants méthane. Faut pas t'embêter, toi. Hein. Clairement pas, putain. C'est fini. Moi, que je suis du côté obscur. En effet, l'un des détails que tu remarques les plus pertinents, c'est celui qu'elle possède désormais une espèce de maquillage noir qui lui recouvre la moitié du visage. Elle s'est également rasée les cheveux à plusieurs endroits pour laisser apparaître de longs traits dans sa chevelure relativement courte. Quels sont vos premiers échanges ? Bien. Salut, mon coche. Non, je m'approche, je te salue, mais vraiment de façon assez tranquille, quoi. Pas d'effusion de joie ou quoi que ce soit, mais genre, comment ça va depuis tout ce temps? Ça peut aller. Et toi, ta promotion s'est bien passée? Ma foi, oui, je m'attendais pas à tout ça, mais écoute, tant mieux. Un peu plus de latitude, je pense, maintenant. Et de ton côté? Ouf. Moi, j'ai pas eu de promotion. À ce moment-là, Torik, tu vois également le commissaire Pryl qui s'avance. Il te serre la main et te fait une petite tape dans le dos. Félicitations, Torik. Merci, commissaire. Et donc le commissaire Pryl pour Antoine, qui est un juge. Donc tout comme toi, les commissaires qui sont les fameux qui tissent tout un réseau auprès de membres d'autres cultes pour assouvir leur pouvoir en place. Et également, Wolfgang, donc je ne sais pas si tu t'en rappelles, c'était l'anabaptiste de Karf qui avait notamment fait travailler Mokosh et Abby. Tu l'avais peut-être déjà rencontré une fois ou deux. Qui est celui qui a le tuyau pour toi? En tout cas, c'est de là que Mokosh le tient. Il s'avance vers toi. Félicitations à vous. Et tu vois qu'il te serre la main aussi. En tout cas, merci. Il te l'attend. Merci beaucoup. Écoutez, comme vous le savez sans doute, j'ai peut-être quelque chose à vous proposer. Je vous écoute. Vous voyez, il y a une personne que l'on appelle communément la femme qui réside non loin d'ici. Elle touche tout ce qui est attrait à, disons, l'occulte et la superstition. Elle est entourée de nombreux membres comme des corneilles apocalyptiques qui iront jouer de leur tarot ou d'autres spécimens plus exotiques, disons. Elle prétend voir l'avenir et, voyez-vous, elle dit pouvoir anticiper une catastrophe similaire à celle que vous avez dû affronter. Ses paroles sont toujours relativement vagues, ainsi je vous propose d'aller la rencontrer en personne et de voir ça avec elle. Ouais, je me tourne vers Mokosh. On y va? Oui, pourquoi ça pas. Ça te tente, ça. Ça nous changera un petit peu, et puis ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu qu'on fera un petit bout de trajet ensemble. Oui, c'est toujours bon à prendre. De toute façon, la dernière fois que j'ai croisé quelqu'un qui disait voir l'avenir, elle le voyait vraiment. Ah, t'étais pas là, toi. J'étais avec... Enfin, t'étais pas là. Très bien, allons-y. Vous voyez qu'ils vont chercher les chevaux. Toi, Toric, tu récupères également le tien. Et le commissaire Pry, elle, va vous accompagner. Vous marchez quelques lieues, enfin vous marchez, vous galopez quelques lieues jusqu'à sortir complètement de l'ombre du hôpital. La nuit commence à tomber et vous ne voyez bientôt plus grand-chose. Puis, vous tombez finalement, au bout de presque une heure de trajet, sur des tentes au loin, éclairées par un feu de camp. Vous vous arrêtez et vous tombez sur quelques hommes avec des torches. Vous voyez, ce sont des anabaptistes comme Mokosh et Wolfgang. Évidemment, chacun d'entre eux aborde un septum et un tatouage triplé au niveau du front. Ils vous regardent et vous font signe de passer. Vous pouvez accrocher vos chevaux à l'entrée et on vous conduit jusqu'à la tente principale. Vous voyez que tout ceci a un côté presque un peu voodoo. Et d'ailleurs, en rentrant dans la tente, l'ambiance fait encore plus étrange que de l'extérieur. Vous voyez que il y a une espèce d'amas de tissus qui sont entreposés ici et là, des tapis, des gros oreillers posés à même le sol sur lesquels sont assis des apocalyptiques en train de retourner leurs cartes de tarot et d'essayer d'y prédire l'avenir. Vous voyez également des Jemetan en train d'observer, de regarder à l'intérieur d'os de poulet ou autre. Vous avez un chroniqueur assis dans un coin. Vous avez également des Anubiens. Vous voyez, c'est la première fois que vous en voyez ces femmes avec leurs tatouages venus tout droit d'Afrique. C'est la première fois que vous en voyez ainsi en Borka. Et au milieu de tout ce beau monde, vous avez ce qui semble être la femme. En tout cas, une vieille dame encapuchonnée, vêtue d'un grand manteau assez ample. Vous voyez quelques cheveux blancs qui sort de l'ombre que lui procure la cape, la capuche, ce qui fait que son visage est quasiment invisible, en tout cas. Au moment où vous vous approchez d'elle, le commissaire, elle et Wolfgang sont toujours avec vous, elle lève légèrement la tête et vous fait le signe de vous asseoir. Du coup, avant de m'asseoir, je vérifie que le siège est pas trop sale. Sinon, je mets, si j'ai une petite lingette, je nettoie le siège. Et après seulement, je m'assois. Très bien, Toric, toujours aussi toqué. Ah, bah moi, la propreté, c'est la propreté. Hein. Évidemment. Très important. Ce serait dommage de salir ta toute nouvelle tenue. En plus, elle est toute neuve. Alors là, elle sort du pressing. Justement, tu t'assois. Tu retires un petit peu de poussière qui traînait. Mokosh, est-ce que tu t'assois également ? Oui, je m'assois. Ok, vous êtes rejoint par vos deux compagnons. La femme s'adresse à vous avec cette espèce de voix un peu... un petit peu, comment dire... aérée. Vous voyez, c'est presque comme si elle chuchotait et qu'elle parlait en même temps. Bienvenue à vous. Merci. Oui. Tenez, buvez ça. Vous voyez qu'elle vous tend, enfin, elle vous monte de la tête un plateau, ou là où des ascètes anabaptistes se trouvent. Et vous tendent à chacun d'entre vous, et également à elle, des petits verres contenant des boissons qui semblent être du thé. Je regarde le verre, mais je renifle un peu pour savoir. Tu vois, ça a l'air d'être du thé, tout ce qu'il y a de plus bête. C'est un thé alors ? Ça ? Une tisane, en effet. Tisane. Ne vous en faites pas, elle n'est pas empoisonnée. Oh, je sais. Bon, je goûte un petit peu. Genre pour être poli, tu vois. Tu vois qu'elle boit également. Je regarde Toric un moment. Tu vois qu'il a l'air parfaitement bien. Bon, bah, je vais boire alors. Écoutez, je vous remercie d'être venu. Voyez, je me présente. Je suis celle que l'on appelle la femme, et ceci est mon antre. Vous savez, des voyageurs viennent des quatre coins du monde pour avoir droit à une discussion avec moi. Certains vous diront sans doute que je ne suis qu'une charlatante, et d'autres vous diront que certains de mes plus précieux amis se trouvent aujourd'hui accablés d'une fortune telle qu'ils ne savent plus quoi en faire. Autrement dit, je suis de plutôt beaux conseils. J'ai cette faculté qui m'est très spéciale et très chère de voir quelques sursauts de l'avenir. Et voyez-vous, il m'arrive aussi parfois de... comment dire, d'envisager plusieurs possibilités que le futur aurait à nous offrir. Il m'arrive même de communiquer avec les morts dans mes rêves, et tout ce genre de choses que l'on pourrait attendre d'une prêtresse. Et vous dites pouvoir communiquer avec les morts ? S'ils viennent me parler, évidemment. Disons que, comme vous le savez, nous les hospitaliers, nous sommes toujours assez cartésiens. Nous basons beaucoup sur la science et ces dires sur l'avenir et tout ça, pour nous c'est très abstrait, et j'avoue que j'ai un peu de mal à croire à tout ça, malgré que mon ami ici, Mokosh, croit un peu en ses prédictions. Mais écoutez, je voudrais vous croire. Si seulement vous arrivez, enfin, si vous pouvez joindre une amie chère qui nous a quittés. Vous voyez, je savais que vous diriez ça. Et ainsi, j'ai pu voir combien la perte de votre amie fut douloureuse. Alors, puisque vous venez actuellement de me le demander, je tiens à vous remettre cette lettre. Et tu vois qu'elle sort un papier de sa poche. Mais qu'elle le tend à Mokosh. Mokosh, je t'envoie le contenu de la lettre en message privé. Oh, je suis jaloux, moi. Je regarde Mokosh, vas-y, quoi. C'est toi qui es mal. Tu vois Mokosh qui prend le papier et qui commence à lire. Tu remarques d'ailleurs que dans la pièce, tout le monde s'est plus ou moins arrêté de faire ce qu'il était en train de faire pour vous observer. Vous avez cette espèce de petite lumière tamisée, cette odeur d'encens qui se propage, qui fait que tout ça baigne dans un flot d'étrangeté et presque d'ésotérisme. Du coup, je me retourne vers Mokosh et je dis « Alors ?» Je vais... Je découpe le papier en deux et je donne son morceau à Torik. Très bien. Torik, je vais t'envoyer également dans MP le document que vient de t'envoyer, que vient de te donner Mokosh. Du coup, je prends quelques instants pour lire, évidemment. Pendant ce temps-là, la femme resserre du thé dans chacune des tasses qui avaient été vidées précédemment. Vous voyez qu'autour de vous, Wolfgang a l'air complètement happé par ce qu'elle est en train de dire, là où Pry, elle, a l'air au contraire un peu plus détachée. Donc voilà, je rigole vraiment quand je lis ça. Hein. Je sais que ce fut un moment compliqué, mais j'espère que ceci saura vous prouver ma bonne foi. Écoutez, je dois dire que c'est assez troublant car très fidèle à ce qu'elle aurait pu nous dire, enfin me dire, je ne sais pas. Eh bien écoutez, je suis tout ouïe sur vos prédictions. Voyez-vous, tout ceci reste relativement abstrait, ce ne sont que des sursauts de futurs possibles et imaginables. Mais récemment, tout devient de plus en plus clair. Vous voyez, je sais que ce qu'il vous est arrivé, je ne saurais dire quoi exactement, mais en tout cas, quelque chose que vous avez vécu va se reproduire. Ah. Et vous savez quoi, enfin, de quel genre de... Je n'en sais pas. Tout ce que je vois, c'est une ville. Complètement dévasté et ravagé. Et je sais que vous serez sans doute les personnes les plus aptes à me croire et à accepter de... Comment dire ? Vous êtes sans nul doute, bien plus placé que n'importe qui pour agir face à ce qui se trame. En tout cas, c'est ce que mes visions semblent indiquer. Vous avez déjà prouvé votre valeur par le passé. Et si je lançais un cri d'appel public, il serait ignoré. Comme à chaque fois, d'ailleurs. Mais de votre côté, j'imagine que vous aurez suffisamment de bon sens pour accepter ce que j'ai à vous dire. Bah, écoutez, au vu du message que vous m'avez transmis... Et vu que ça a l'air très réaliste, hein, ça serait plus... je peux croire que cela vient d'elle. Mais je veux bien croire en votre prédiction. Très bien. Et vous ? Et là, Mokosh, tu vois qu'elle se retourne vers toi. Ouais, sûrement. Toujours aussi... T'as pas changé, Mokosh. Je ne vous oblige pas à me croire, mais dans tous les cas, qu'est-ce que vous avez à y perdre ? Oui, c'est vrai que pour l'instant, nous n'avons si pas... Si vous voulez, vous pouvez être de retour ajusticienne dans moins d'un mois. Le temps de régler cette histoire. Et où se situe... Enfin, vous avez déjà une idée du lieu? Bien sûr. Il ne peut y en avoir qu'un seul. Le cloître est aisément reconnaissable. Il se trouve dans la ville d'origine de Mokosh, dit-elle en se retournant jusque vers elle. Mokosh, Lucatore est en danger. Je ne sais pas exactement ce que vous allez avoir à y faire, mais faites-moi confiance. Rendez-vous-y et essayez de découvrir ce qui s'y trame. Du coup, je me tourne vers Mokosh. Alors ? C'est un peu loin. En effet. Ça vous obligerait à quitter notre bon pays. Mais bon, d'ici une semaine, vous pourriez vous y trouver. Ça ne se trouve qu'au nord de la Purgarée, après tout. Quasiment à la frontière. Et pour vous accompagner tous les quatre... Enfin, tous les quatre. Tous les trois, dit-elle en vous pointant de la tête. Toi, Torik, toi, Mokosh, et le commissaire pour elle. J'ai quelqu'un à vous présenter. Flux, vous pouvez vous lever. À ce moment-là, vous voyez le chroniqueur qui se trouvait dans le bâtiment depuis tout à l'heure se lever de son fauteuil et s'avancer vers vous. J'ai une entière confiance en Flux et il saura me faire un rapport détaillé de vos activités là-bas. J'espère que sa présence au sein de votre groupe ne vous posera aucun problème. Pas de raison. Parfait. On verra. Vous voyez que Flux est tout ce qu'il y a de plus classique chez un chroniqueur. Il possède une grande capuche blanche et une espèce de robe verte. Un bandana rouge. Un bandeau rouge, pardon. Avec un nœud fait à l'arrière et cette espèce de masque robotique ne laissant filtrer aucune parcelle de peau. Bien, en tout cas pour moi ce sera la première fois que je vais travailler avec un chroniqueur, oui. Même si j'ai déjà eu affaire à eux par le passé, ce sera une première. C'est ce qu'a révélé le tarot de la corneille que vous pouvez voir juste là. Écoutez, je sais que tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure doit être relativement flou, mais faites-moi confiance. Rendez-vous-y, observez ce qui s'y passe, et lorsque tout sera terminé, revenez me voir. Sans doute que nous pourrons coopérer à nouveau dans le futur. Mes objectifs sont les mêmes que vous, améliorer la vie sur Terre. Et petit à petit, essayer de parvenir à un monde un peu plus juste. Écoutez, on essaiera, même si je doute un peu de cela. Très bien. Et il parle, votre robot, là ? Je parle, oui. Ah. T'entends cette voix métallisée ? Tu ne saurais même pas dire si c'est un homme ou une femme qui est actuellement en train de te parler. Évidemment, comme tout bon chroniqueur qui se respecte, il possède un vocodeur qui transforme sa voix. Vous savez également qu'il peut l'utiliser afin d'amplifier cette dernière jusqu'à des taux complètement hallucinants. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'ils se font passer pour des dieux auprès du moindre claniste dans les pays les moins développés. Très bien. Avez-vous des questions à me poser ? Bah écoutez, je pense que votre... Alors c'est... alors je sais plus son nom, c'est Flux ? Flux ? Flux. Flux est déjà au courant de tout et il se connaît, il sait déjà où on doit se rendre, je suppose. En effet. Et en effet, Flux, tu connais toutes les informations. Et Félix, Flux, Flux, quels sont tes points forts, tes qualités sur lesquelles on pourra compter pendant ce voyage? On verra ça au moment venu. Mais je suis plutôt convaincant quand je le veux. D'accord. Alors j'ai un écho. Je suis désolé de le dire, mais je l'ai mis. Désolé. C'est moi. C'est juste que je n'entendais plus, donc j'ai légèrement remonté son. Méchant. J'ai sûrement une petite question aussi. Bien sûr. Ça ressemble à quoi la situation là où on va donc? Ça a changé depuis. Je sais pas si ça a changé depuis que j'ai quitté le pays. Non. Alors Lucatore. Tu sais que c'est une ville justement tout au nord de la Purgarie, donc anciennement l'Italie. C'est une ville aux mains des apocalyptiques. Elle est dirigée par un certain Altair, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, Altair. Qui a notamment été, on va dire, connu lors... lors de la guerre contre les Geamedan, au niveau du bassin adriatique, qui est globalement la frontière entre le territoire des Anabaptistes et celle des Geamedan. Après ça, il a signé un grand traité de paix entre les deux parties et est allé s'installer à Lucatore. Toi, c'est là où tu as vécu depuis que tu es toute gamine. Et à l'époque, ce qui en faisait également une grande ville, et ce qui est toujours le cas, ce sont les huiles élyséennes. On avait déjà parlé lors de la première campagne. Ce sont les huiles utilisées par les Anabaptistes pour se préparer en combat. Ils vont s'en mettre dans les cheveux, sur leurs armes, et même parfois au niveau de la peau. Et elles ont des particularités relativement étonnantes. Vont les faire se rendre, avoir l'impression d'être plus fort, plus rapide et plus alerte. Oui. Est-ce que c'est ce qu'elle a sur le front Non, ce qu'elle a sur le front, ce sont des tatouages. Si ça, c'était la question. Ah, mais on le voit quasiment plus. Ou alors, les des lunettes qu'elle a relevées, si tu parlais vraiment dans le front, au-dessus du crâne. Juste avant de partir, les Flux connaissant la marche à suivre, vous voyez Point L qui a l'air relativement embêté. Il commence à s'adresser à la femme en lui disant écoutez, tout ça est bien joli, mais j'ai du mal à croire que une personne de votre âge puisse avoir de telles capacités. Depuis le temps, j'imagine qu'on l'aurait su quand même. Alors, ce sera sans moi. Mais, si vous voulez, pour dépanner, je peux vous envoyer une jeune recrue ou quelqu'un comme ça. Je voudrais avoir un juge sous la main qui aurait envie de se faire les dents. La femme lui fait oui de la tête. Puis vous fait signe de partir. Juste au moment où vous allez quitter la tente, elle s'adresse à vous une dernière fois. Essayez d'y aller le plus rapidement possible. Cela devrait être une question de jours tout au plus. Un mois grand maximum. Écoutez, pourquoi pas le temps de se faire des petites réserves. Se préparer pour le voyage. Faites comme bon vous semble. Dis-moi, Flux, tu as un cheval? Non, tu n'as pas de cheval. Ouais, d'accord. Commissaire, est-ce que Allez, pour qu'on ouais. puisse pour qu'on puisse gagner un peu de temps, parce que je pense que comme l'a dit Mokosh, le voyage risque d'être long. Est-ce qu'il serait possible de qu'on puisse récupérer un cheval? On peut vous louer des chevaux si vous voulez. Louer? On se connaît depuis un moment, non, quand même. Ah, mais vous savez... Ah, on va le rendre à la fin. C'est pas un problème. Fais-moi un jet de... Allez. Vous savez qu'on s'occupe bien des chevaux. Fais-moi un jet de charisme négociation. Attends, qui c'est qui doit faire ça? Toi. Ah. Donc, charisme négociation. J'aurais peut-être pas dû parler. Ouais. Avec une difficulté seulement de 2. Étant donné que c'est vrai, en effet, vous vous connaissez depuis longtemps. Attends, j'ai ma fiche qui veut pas s'ouvrir. Ah. Parce que la page a planté. Si tu veux, je peux te dire combien de dés jetés? Ouais, vas-y, j'ai. 3D. 3D? Ouais. Ok. Moi, je suis derrière. Je l'aide quand même. Si je peux l'aider. C'est, un déclencheur. Et pas de Et le reste? Le reste, c'est... Attends, faut que je ressorte mes notes de comment fonctionne... C'est simplement si sont en dessous de 4, ce sont des échecs. Et si... c'est... En fait, si jamais c'était 2-1, ce sera un échec critique. C'est juste pour ça. Ok, donc... Faut pas de 1. Alors, deux réussites, dont un déclencheur. Pardon, deux réussites, dont un déclencheur? Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Bon, allez, je vous enverrai 2 chevaux. Mais prenez-en soin. Sinon, faudra que vous me les rembourseriez. Que vous me les remboursiez. Et je compte sur vous pour me les rendre une fois que vous serez rentrés. Non, ça passera pas inaperçu tout un moment non plus. On s'occupe toujours. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Bah ben oui. Vous nous connaissez maintenant. Parfait. Et sur ce, vous repartez plus ou moins chacun de votre côté. Flux vous donne rendez-vous le lendemain à Justicienne, dans un quartier relativement connu. Vous vous y rendez. Et sur place, vous voyez qu'il y a un juge qui est là à vous attendre. Sans doute la recrue envoyée par Paul. Attends, on est où? Là, vous vous retrouvez le lendemain matin, dans un quartier de Justicienne, dans une taverne, dans une auberge. Okay. Et vous êtes accueilli notamment justement par un juge, sans doute la recrue que vous a envoyée Pryel. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de finir le dessin du juge. Donc pour ce soir, Antoine, tu n'auras pas de dessin de personnage. Enfin, j'en ai commencé un, mais si vous voulez, je... Ouais. Ouais. Description physique, alors. C'est ce que j'allais justement proposer, Antoine. Dans tous les cas, je te laisse te présenter à eux. Physiquement. Alors, j'ai décroché les 2 secondes, donc comment est-ce qu'on se retrouve? Alors, simplement, toi, du coup, tu as été envoyé ici par le commissaire Prael, un allié des joueurs, dans le but d'aller escorter les joueurs jusqu'en Purgaré. Donc, le pays des Anabaptistes. Et plus précisément, Lucatoré. Alors. Bien. Je suis. Un homme, déjà. Je suis plutôt grand, je pense. Je fais un bon 1m80, on va dire. Assez mastoc, assez baraqué, un peu. Un visage très carré. Et comment dire, donc, plutôt jeune tout de même, je suis pas non plus, je suis pas un vieux papy. Et donc je me balade dans un trench qui quelque chose un peu sale, un peu usé, mais ça fait l'affaire. Et je suis vêtu aussi. D'un magnifique chapeau cowboy que je me plais et qui me va magnifiquement bien. avec toute la modestie du monde, et puis voilà. Flux est là lui aussi, et tous les quatre vous vous asseyez à une table. Vous commandez à manger et à boire. Et je vous laisse, si vous le souhaitez, entamer une discussion à l'intérieur de l'auberge. Vous pouvez parler de ce que vous pensez de la mission, de ce que vous souhaiteriez y emmener, de quand vous voudriez partir, et de ce que vous pourriez trouver là-bas. Mais déjà, je te salue, juge, puisque je ne connais pas ton nom. Jacques Getty. Mais tu peux m'appeler Jacques. Est-ce que vous pouvez écrire ça sur un petit papier? Est-ce que un message divin peut nous... Ok, Jacques. D'accord. Eh bien, ravi de te rencontrer, Jacquard. Quoi? Ravi de te rencontrer, Jacquard. Moi de même. Donc, pour ma part, c'est Auric. Tu as à mes côtés Mokosh. Et le dernier arrivé... Flux. D'ailleurs, Flux, si j'essaye de t'appeler, est-ce que je dis hey, Flux ou Flux? Coche, je comment pense qu'il il a pas beaucoup d'humour. Ouais. Du coup, ça fait longtemps, Jacquard, que tu es chez les juges. Mais je vous demandais, c'est pour vous les chevaux là? Oui, c'est pour nous tous. Nous avons nos chevaux et on a voulu récupérer deux chevaux pour vous, pour gagner du temps, pour qu'on aille plus vite sur les là où l'on doit se rendre. À moins que tu veuilles marcher, mais écoute. Juste que c'est pas trop. Tu sais pas trop quoi. Les bêtes, ça, ça fait un peu. Ouais. Tu vas me dire que toi, avec ton chapeau de cowboy, t'es jamais monté sur un cheval? Non. Le marteau est trop lourd, c'est pas. Ça leur gratte le. Écoute, je pense que malheureusement, il va falloir que tu prennes un peu sur toi, car le chemin va être long. Et nous n'avons pas, nous ne pensons pas perdre notre temps sur le trajet. Donc. C'est pas pour moi que je dis ça, hein, c'est pour le chemin. Oh, t'inquiète pas, les chevaux, ils sont à la dure ici. Hein. T'inquiète pas. Et du coup, oui, tu disais avant que je te coupe. Ouais, donc... ça fait longtemps que t'es chez les juges? On peut dire ça. Il y a plus ou moins dans la rangée ronde depuis assez longtemps, ouais. Ok. C'était ta première grosse mission? On peut dire ça. Ok. Bon, je préfère te prévenir. On a la fâcheuse tendance avec Mokosh d'attirer les soucis. Mais écoute, t'as l'air gaillard. Donc je pense que. Oh oui, oui, c'est pas la force qui est bon. Bon, vous, les deux autres, vous parlez pas trop. C'est-à-dire que pour l'instant, les informations échangées ne sont pas très capitales. Bien, certes, mais c'est bien de faire plutôt connaissance. Nous allons devoir passer du temps ensemble. Oui, oui, plutôt intéressant. Non, je demande, Pilux et Mokosh, vous parlez pas. Flux et Mokosh, vous parlez pas beaucoup. Oui, j'ai répondu que pour l'instant, les informations échangées ne sont pas très capitales. Ouais. Oui, Mokosh, je ne connais pas Flux, mais je sais que Mokosh, mon ami, n'est pas très bavarde. Elle fait plus parler d'espadon qu'il y a là sur l'épaule. J'aime ça. Mais sinon, Influx, à ton tour, est-ce que ça fait longtemps que tu es chroniqueur? Depuis ma naissance. Ah, parce que je ne connais pas trop votre... votre culte. Oui. Donc, c'est peut-être l'occasion pour moi de faire un peu plus connaissance avec le culte des chroniqueurs. Oh, vous savez... De toute façon, ça n'aurait pas tardé. Les juges et Anabaptiste sont souvent en lien avec des chroniqueurs. C'est vrai. Ouais, tu l'as dit, Buffy. Eh bien, soit. Maintenant, nous pouvons parler de ce qui nous rassemble. Et de ce que j'ai compris, Flux, tu es au courant de à peu près tout? Oui, je sais ce qu'on doit faire. Là, notre premier but, ça va être de rejoindre un ferrailleur, un Lampion, je crois, de son nom. C'est lui qui va nous accompagner jusqu'en Purgari. Ok, et où est-il? Il t'attend à l'extérieur de la ville. Merci. Tu as changé de voix, Flux. Tu as cette vocation. Désolé, c'est mon vocadeur qui... Non, mais évidemment, le Dieu ne me dit pas tout. Mais il vient de me dire qu'il m'attend à l'extérieur de la ville. Donc, tout bien, merci pour l'info. Donc, Lampion, c'est ça? Lampion. Ok, Lampion. Bien, soit. Écoutez, on peut y aller de ce pas, à part si vous avez besoin de vous restaurer un petit peu. Je n'ai jamais besoin de me restaurer. Non, j'aurais besoin de faire, j'aurais besoin qu'on fasse un petit tour à l'épave. Ah, à l'épave. Écoute, ce sera sans moi, je t'attendrai dehors, mais écoute, il n'y a pas de souci. C'est que la propriétaire de l'épave, on n'est pas en très bon terme, donc j'aimerais bien ne pas être tout seul. J'imagine que le juge ne voudra pas venir, sauf s'il veut casser des crânes, mais j'aimerais éviter ça. Je peux vous accompagner pour la forme. D'accord, très bien. J'y trouve aucun intérêt dans ce genre de lieu, mais... Ça ne me plairait pas de... Ça fait plaisir de voir que des gens sont un peu d'accord avec moi, mais j'avais pas l'habitude. Avant. Pourtant, ouais. C'est très bien que les hospitaliers peuvent avoir raison. Ça dépend du contexte. Dans tous les cas, tous ceux qui ont consommé actuellement doivent payer 6 lettres de change. Le prix du repas plus la boisson. Je ne consomme pas. Quoi? Non, c'est bon, je paye. Mais il faut payer. Je me souviens d'un temps où on payait rien. un temps lointain. Bah, c'est très légal cette affaire. Oui, sauf toi, Toric, d'ailleurs. Ah non, c'était légal, on avait... De quoi, sauf moi? La nourriture est offerte dans les auberges pour les membres placés à l'hôpital. Ah oui, quoi? Complètement roleplay. C'est écrit noir sur blanc dans les bouquins. C'est trop bien. Du coup, c'est là-dessus que vous ressortez de l'auberge. Je vous laisse déduire, si vous voulez, en cliquant sur vos fiches en ligne, sur vos stocks de lettres de change. Ouais. Et d'ailleurs, Antoine, je vais poster également la tienne dans le serveur, même si du coup, elle sera réactualisée pour afficher ton personnage entier. C'est où? Dans Dead Genesis Inventory. Ouais, non, mais les deux champs de la fiche. En haut à droite. Tu veux, je peux le faire pour toi. Hein. Dinar change, c'est ça? Exactement. Exactement. Donc là, t'en es à 100, donc tu peux passer à 94. 6, t'as dit? Ouais. Ok. Ça y est. C'est les gens qui ont besoin de lettres. Vous ressortez de votre auberge et donc, Mokosh, toi, tu te rends en direction de l'épave. Accompagné de qui déjà? Moi, je me porte juste clairement pour la suivre, sans savoir vraiment ce qu'elle fait. Accompagné du chroniqueur. Si jamais tu fais un bail chelou, je ne t'accompagnerai pas si loin que ça. En traversant la ville, vous constatez qu'en effet, la garde a été vraiment décuplée. bon nombre de juges sont là patrouillés sur leurs chevaux, vont vérifier des cargaisons, vérifier même les étals au niveau des marchés. Être sûr que personne ne trafique de brûlures ou ne transporte de bourgeons en secret. Vous arrivez finalement jusqu'au quartier de l'Épave, qui paraît bien moins fun qu'à une époque. Tout est beaucoup plus triste et plus terne, il n'y a pas un chat dans les rues. Vous repassez d'ailleurs par la fameuse rue où toi, Mokosh, alors que tu rentrais à l'Épave, tu entendis ce coup de feu qui scella le destin d'Abby. Je trace. Je cours pas, mais... Pourquoi cours-tu ? Attends-moi ! Non, je cours pas, mais j'avance sans m'arrêter. D'un pas décidé. Non. De quoi ça a l'air à l'intérieur ? Bien à l'intérieur, comme à l'habitude, comme à l'accoutumée, tu vois ce pont où des apocalyptiques sont là à faire le guet. Tandis que des accès permettent de rentrer à l'intérieur, écouter de la musique, commander quelque chose au bar ou aller voir certaines pies. L'épave également, pour te rappeler exactement comment c'était. Je vais voir, les gars. Pardon ? Je vais voir, les gars. T'es avec eux ? Non, je veux voir les... Oui, je suis avec eux, totalement. Ah, il nous a suivis. Ah, non, c'est pour ça que j'étais pas forcément au courant. Parce qu'en effet, les juges... Nous-mêmes, on n'était pas au courant, mais... Ah, ok. Non, bah, je suis là. Pas de soucis, parce que justement, un juge qui monte sur l'épave... Les gens comme nous, Jacquard, voilà. Ne sont pas très appréciés dans ces endroits, si tu veux, ce que je veux dire. Il y avait qu'une certaine personne qui rêvait en faire. Et du coup, oui, l'épave, c'est cette espèce de gros bateau complètement à l'abandon. Il n'y a plus d'eau en dessous, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle l'épave, qui a été réutilisée par les apocalyptiques. Ils ont simplement construit des énormes pieux pour le soutenir, pour être sûr qu'il ne tombe pas. Et puis, ils ont construit plusieurs accès en haut et en dessous pour pouvoir y rentrer. Que faites-vous ? Gestion madame, hein. Moi je suis qu'accompagnateur. Je vais commencer à me mettre à la recherche de ce que Abby est censé avoir laissé a priori. Ok. Tu rentres à l'intérieur, tu vois qu'on t'a déjà vu venir par ici, ça pose pas trop de problèmes. Tu te diriges petit à petit vers l'un des lits. Celui qui semble appartenir à la patronne ici. Fais-moi un petit jet de discrétion, donc agilité, furtivité, pour savoir si les gens prêtent attention à toi ou pas. Ok, j'ai pas du tout furtivité. C'est cassé, je te protège. Avec une difficulté de 3. Ah, deux réussites dont un déclencheur. Tu vois que malheureusement, il y a plusieurs personnes. Avec peut-être comme seul avantage le fait qu'elles soient réunies au même endroit dans la pièce. Tu trouves là dans l'une des chambres annexes de l'épave. Elle ne prête pas plus attention à toi, mais tu ne pourras pas te permettre de fouiller la pièce, notamment le lit, sans éveiller leurs soupçons. Malgré tout, le chroniqueur est là juste avec toi et pour l'instant n'est pas occupé. Hey, Fluxy. Flux. Oui, Flux. Tu peux aller, je sais pas, discuter avec ces gens, histoire que leur attention soit vers toi. Je peux faire ça, oui. Juste ces gens-là. En effet, ce sont les seules personnes de la pièce. Ces gens-là qui pourraient me voir. Non, mais pas de soucis, je m'en occupe. Très bien. À toi, Flux. Je m'avance vers eux. Mmh. Et j'ai une très bonne méthode qui marche toujours la première fois. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un truc de chroniqueur, ça ne marche que la première fois. Mais je fais souvent très bonne première impression. Du coup, je vais allumer mes petites lumières là qui clignotent un peu partout. Ok. Et je vais m'asseoir. Enfin, ils sont autour d'une table, ils sont comment ? C'est ça, ils sont regroupés autour d'une table ronde en train de jouer aux cartes et de boire des coups. Bah du coup je m'allume et je vais m'asseoir à leur table, genre mode décontracté, je m'assois. À ce moment-là, tu récupères le tabouret, le seul tabouret qui n'était pas utilisé. Tes lumières sont allumées et tu t'assois à la table en posant tes bras métalliques contre le bois. Du coup, j'imagine que t'es en train d'utiliser une compétence actuellement. Tout à fait. Je peux te demander de me rappeler laquelle. Je suis en train d'essayer de réouvrir ta fiche pour vérifier. Ah bon. Oui. Si tu laisses mon téléphone se remettre du bon. Pas de soucis, sinon je suis en train de l'ouvrir. C'est ouais. Celle qui dit que j'ai première impression, c'est grâce à ma combinaison de sneakers. Qui me fait un dé, je crois, en moins quand je fais un jet, du coup. Social. Yes. Je vais juste vérifier ça. Je te laisse. Un jet de quoi, tu t'en rappelles? Tu te souviens? En fait, c'est genre, il me dit j'ai un dé en moins quand je fais un truc social qui doit être expression. Alors, première impression, un dé, en effet, j'y suis. Oui, j'ai un dé supplémentaire. D'accord, donc n'importe quel type d'interaction sociale, c'était juste pour vérifier, pour savoir s'il y avait... C'est moi qui choisis. Ok. Tu vois qu'il y en a l'un d'entre eux qui lève la tête vers toi, un mec aux cheveux noirs avec une queue de cheval et un tatouage sur la joue. Qu'est-ce que tu veux? J'utilise ma plus belle des voix pour dire... N'ayons pas mieux faire, mieux à faire. Que de jouer ici. Fais-moi un G de charisme expression. Parfait, ça fait 1, 3, 4, 5, 6, 7 D. 3, 2, 5, 6, 7. Oups! T'inquiète. Quel était ce message? Je vais me défendre avec leur défense mentale. Ok. Ils ont pas plus de 7 en défense mentale. Non, ils ont seulement 5 dés. Ah bah, je pense que c'est... J'ai... C'est des enflures. Je vous déteste. Ça fait combien? Du coup, j'ai fait 5 réussites, dont 2 déclenches... Très bien. De mon côté... Ça, c'est l'un des gros avantages ajoutés par les caméras. Je peux désormais vous afficher le résultat de mes jets de dés lorsqu'ils sont relativement... J'aimerais faire pareil. Nous partons donc sur un sévère échec critique. 1-5 et 3-1. Donc Antoine, du coup, toi, pour te familiariser avec les règles, pour réussir un jet, donc là, c'est un jet en opposition, donc toi, t'as fait combien de réussites, Maxime? Tu m'as dit déjà? J'ai fait 5 sur 7 dés. 5, donc il a fait 5 réussites, il faut que je fasse plus que lui. Je n'ai qu'un seul dé qui est égal ou supérieur à 4. C'est un 5. Donc je suis en échec, mais au-delà de ça, vu que j'ai plus de 1 que de réussite, je suis en échec critique. Et là, c'est un énorme échec critique, vu que j'ai 3 1 et un seul 5. Toi, tu vois, le mec qui commençait un peu à faire son show devant toi, instantanément... Ta voix commence à résonner, tu vois l'eau dans leur verre qui commence à trembler. De plus en plus, de plus en plus, ta voix commence à porter, tu commences à augmenter le volume jusqu'à ce qu'ils se lèvent et que les mecs commencent à quitter la pièce en jetant leur, lettre de change sur la table. Et ils claquent la porte juste derrière eux. Je ramasse. Tu ramasses, tu peux ajouter 100 lettres de change. Et je me tourne fièrement vers nos cloches. Bien joué, mais je peux faire la même, hein. Si je suis occupé. En effet, quelques instants plus tard, après avoir asséné un violent coup de pied dans le lit, Mokosh ressort sans autre lettre de change, un carnet de notes et un sac. Qu'est-ce que je regrette de pas être venu. Qu'est-ce que donc? Qu'est-ce que donc quoi? Tout ça. C'est les propriétés matérielles d'une connaissance. De quelqu'un. Elle m'a l'air honnête ou pas? Comment? Elle m'a l'air honnête ou pas? Du coup, c'est pas vraiment à toi que je pose la question. Ah. Eh bien, fais-moi un jet d'instinct empathie. Oui, monsieur. Et toi, Mokosh, tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de psyché. Attends. Volonté, donc, willpower. Non, face, pardon. Donc, psyché fois. Ok. Et vous allez me dire lequel d'entre vous possède les meilleurs résultats. Ça m'étonnerait que ce soit moi. Ah oui. Mais j'attends. Deux réussites et trois échecs. Deux réussites. Bah, moi, je n'ai fait qu'une seule réussite. Donc, poche malheur, je pense qu'on va prendre. Ah, attendez, je me permets juste deux secondes. Non. Je réponds à Torik. La suite de la session. Ne bouge pas, tu sais ma voix. Alors. Du coup, oui, excusez-moi, vous disiez ? Oui, moi j'ai fait une réussite et il en a fait deux. Ok, tu vois, tu sais pas plus. Tu vois que Mokosh, étonnamment, alors que t'en as plutôt l'habitude, t'as énormément de mal à lire en elle. Comme si elle posséder cette espèce de masque permanent pour cacher la moindre de ses expressions. Voyant ça, j'acquiesce. Ok. Vous repartez. Vous allez retrouver les autres qui, pendant ce temps-là, vous attendaient dans la ville. J'imagine que vous vous étiez donné un point de rendez-vous. J'imagine. Au moment où vous vous retrouvez, vous voyez Efflux qui sort une carte. Que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le serveur Dead Genesis Sacrifice Everything. Donc, celui des documents. Ce document représente la frontière entre la Borka et la Purgarée. Les différentes routes et les différentes villes qui s'y trouvent. Pour arriver en Purgarée, vous allez devoir traverser la frontière gardé par les Helvétiques, et donc payer les douanes. Sauf si vous souhaitez tenter de traverser clandestinement cette dernière. Il y a souvent un ou deux trajets gratuits, mais dangereux, que vous pouvez espérer emprunter. De combien sont les frais de douane, habituellement ? Généralement, tu sais que ça tourne entre 25 et 40 lettres de change par personne. Ils sont relativement élevés. Mais c'est plus ou moins abordable ici. Oui. C'est un peu chelou. Je ne pense pas. En vrai, 45 lettres de change, il me semble que je suis capable de fournir ça assez facilement. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, pas vraiment. Mais c'est. Alors, pour l'ensemble ? Pour tous ? Par personne. Par personne, 45 par personne. Vous avez tous 45 mètres de change sur vous. Écoutez, faut quand même prendre conscience que si je fais ça, c'est pour rendre service à un ami. Alors, on va bien me faire rembourser à la fin, quoi. Je peux vous rembourser immédiatement, je pense. Si ouais. Le dieu qui est actuellement en train d'écrire un message peut confirmer. On va faire payer de ma poche et puis on va dire que. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Est-ce que Dieu. Voilà. Est là. Dieu... Oui, oui, bien sûr, oui, j'ai envoyé juste un message à Gossel. Dieu est là. Du coup, est-ce que par rapport à ce que j'ai dans mon inventaire, je peux par exemple aider ce jeune homme charmant pour qui sortir 45 lettres de change, c'est difficile. Bien évidemment. Est-ce que en effet, tu le fais ? Bah, j'aimerais bien le faire, mais du coup, comment ça marche ? Parce que je l'ai. Alors, simplement, vous voyez Efflux sortir une arme de son manteau. Gratuit. Sauf que cette arme s'avère ne pas être une arme comme les autres. En effet, elle possède un clavier et des touches. Efflux va y taper quelques instants dessus. Et du canon, qui est en réalité une espèce de fente, commence à sortir des lettres de change. C'est Internet. 40, pour être plus exact. Voilà, pour être plus exact. Et tu le vois quitte l'étang. Ça paiera votre voyage. Ouais. De ton côté, Efflux, tout ceci est passé en frais de douane et de recrutement d'un officier tiers. Comment ça marche ton truc? C'est un savoir que je devrais pas laisser à tout. Alors ça s'achète tout? Ça s'achète pas. Bougre. Non. Pardon? De quoi? C'est comme dans le codex. Il y a des signes. Ça veut dire des trucs. Où ça? Non, sur votre... là. Ah! Ok. Je croyais que tu t'adressais au MJ. Non. À qui tu t'adresses? À qui? À Flux. Ah, moi. Parce que c'est A, Z, c'est ça. Ça veut dire quoi? Attends, comme je ne sais pas de quoi tu parles, je vais regarder. Je pense que c'est indirect. Non mais en vrai, de quoi parles-tu? Ça tu vois des signes. Sur ta machine, qui crache de l'argent. Ah bah de toute façon elle est rangée, de quoi parlez-vous? Un gun à lettres de change. Ah. Ah. Oui, c'est un gun. Mais En fait c'est des faux billets. Je l'ai rangé. Pardon? Ce sont des faux billets. Qu'il est mignon. C'est très légal tout ça? Mais c'est tout à fait légal. Enfin genre c'est... En effet, vous savez que les chroniqueurs, bah c'est eux qui ont créé la monnaie, donc ils en font un petit peu ce qu'ils veulent. Ah, bravo. Enfin bref, on va pas s'en plaindre. Voilà. On a une banque donc, du portable. Coup, la question est réglée, on va pouvoir passer par la douane. Mais bien sûr. Parfait. Vous allez retrouver le ferrailleur dont vous avez parlé à Flux. Lampion. Vous voyez, c'est un petit gars avec les cheveux longs accrochés, enfin attachés, pardon. Il porte un grand manteau de fourrure complètement poussiéreux et des tas d'affaires. Vous le rejoignez avec vos chevaux, sauf que vous voyez que lui, il n'en a pas. Oh, on n'avait pas parlé de ça. Quoi? C'était pas prévu à la base. Je veux compris. Okay. Le cheval, bande incapable. Il est plus là? Écoute, c'était pas prévu, mais disons que nous on a une engroute à faire, alors. Monte sur le mien. Ça me pose pas de soucis. Bon, il va pas falloir qu'on tarde. J'ai déposé des bijoux dans à peu près tous les sentiers de la vallée. Ça devrait éloigner les clanistes un instant. Enfin, un instant. On va dire l'espace d'une journée. Donc, s'il faut qu'on y aille, c'est maintenant. J'ai des provisions, tout ça, comme c'était prévu, tout est payé d'avance. Il ne nous reste plus qu'à traverser le pays. Je vous abandonnerai à la douane toutefois. On est bon? Et la douane, elle se situe à où à peu près? Dans distance? 2-3 jours. Donc toi, t'es à pied là. On est bien d'accord, tu peux pas avoir une monture. Pas de soucis, j'ai l'habitude de marcher plusieurs jours sans m'arrêter. Okay. Ah, sinon, je t'aurais bien proposé de monter avec moi, mais on gagnera un peu de temps. Pas besoin. T'es sûr qu'il est assez propre pour ça? Écoute, ma foi. Je suis prêt à faire un effort, mais. Parce que je pense pas qu'il va aller aussi vite qu'un cheval au trot, à part si tu as une bonne cadence de marche, mais. Ok, ouais, mais écoute, tu cours vite, Lampion. Comme je vous dis, j'ai l'habitude. Vous savez, voyager, c'est un peu toute ma vie, alors. D'accord. Si on part au trot, est-ce que t'arrives à nous suivre? Si on fait un sprint. Bon bah, sur quel cheval je peux monter? Ah non, parce que sinon j'allais te proposer de parier sur le fait que t'allais réussir à tenir le rythme. Non mais vas-y, monte. Je te tends la main et je le fais monter derrière. D'accord, bon, j'allais. Attends. C'est mon honneur qui est remis en question là. On parle de combien de temps au trot? On part de... Bon, au moins toute la journée là, qui nous reste. Une demi-journée, vous prenez les affaires. 75 lettres de change. Ma gauche. On demandera à la banque de payer. Tu gardes les affaires et je monte à 100 lettres de change. Il y a quand même beaucoup de trucs, hein. Il y a la tente, les vivres. Mais 105. C'est pas un mulet quand même. 106. Allez, 106. Oh. Bon coche. Oui. Il est déclaré, ça ? Il est quoi ? Déclaré ? Qu'est-ce qui est déclaré ? Le pari. Le pari ? Le pari ? Bon, je sais pas, il est fait en présence d'un homme de loi, donc j'imagine que oui. Devant notaire, c'est lui. Non, ouais, je vais plaisanter, évidemment. Ok, vous me laissez 10 minutes d'avance ? Ouais, parce que je suis gentil. À ce moment-là, vous le voyez, il commence à récupérer les affaires. Il se précipite sur le chemin. Quelques instants plus tard, ne reste qu'un épais tas de poussière qui s'envole à l'horizon. Et là, je regarde. Combien de temps est-ce que t'attends avant de partir ? Non, mais je respecte le deal. Hein. Ok. Dix minutes plus tard, vous commencez à lancer les chevaux. Je regarde tout le monde et vous savez où on va maintenant ? Parce que c'est lui qui nous emmène normalement. Ouais, le chemin. C'est ça, a l'air plutôt droit, hein, plutôt droit, pardon. Okay, bon, bah... C'est une espèce de grande route en fait qui traverse la Borca. Alors suivons ce chemin, c'est parti. Et en effet, en quelques jours, vous serez à la frontière. Vous repartez. Je vais vous demander, en tout cas, au moins à toi, Mokosh, et puis les autres, s'ils le souhaitent, participer à la course également, un jet d'instinct dressage. Moi aussi, t'as dit. Ah oui, donc c'est qui a été traduit par Instinct. Oui, évidemment. C'est que toi, en fait. Stemming. Donc, t'es seul pour la course. Ah oui, oui, t'es tout seul. Hein. De mon côté, je vais lancer 6 dés. Bien plus mature que ça pour pas participer à vos amis. Nous partons donc sur... 4 réussites, dont un déclencheur. Il court comme une flèche. Allez, Mokosh. Deux réussites. C'est tout. Qui d'autre a participé ? C'est tout ? Ah, pas du tout. Ah non, il n'y a que lui, hein. Personne n'est pour. Hein. Mokosh, tu commences à partir, et tu vois que tu as du mal à ordonner à ton cheval de partir au trot. Il sait pas qu'est-ce qu'il risque au jeu, là. En tout cas, tu vois, pour l'instant, il reste plus ou moins pas. Et puis même, de temps en temps, il commence à se tirer dès qu'il voit le moindre brin d'herbe, heureusement relativement rare, dépassé. J'ai un léger sourire en coin en regardant mon coche. Quand il s'arrête, quand même, j'essaye un peu de genre « Mais allez, bouge, enculé !» Tu commences à essayer de le malmener. Pendant ce temps-là, il y a Tori qui est au pas, qui te dépasse en te regardant en souriant. Arrête ça, t'as pas le droit de te moquer de moi, c'est moi normalement. Moi je lui ai proposé de monter avec moi, c'est toi qui t'as voulu. C'est ce qui s'appelle avoir le contact animalier. Fais-moi un second jet, tu vois, tu commences à violenter, on se comprend, l'animal, toute proportion gardée, évidemment. Poignard. Il n'a pas beaucoup avancé. Eh ben, c'est toujours de réussite. Tu vois, ton cheval, t'arrives pas à le faire partir au trot. En même temps, c'est quasiment une des premières fois que tu montes un cheval de ta vie, hein. On en avait déjà parlé, mais c'est assez rare, ils les ont trouvés que très récemment. Ton cheval part gentiment au pas. Putain, j'aurais dû courir moi aussi. Tu sais qu'il y avait une astuce qui consistait en tout cas à planter une lame pour le forcer à... La FPA. Je vois. Baleine, il y a des chevaux maltraités. Alors du coup, après, moi, je regarde mon coche quand même. J'ai mon coche, par contre, le cheval en aura besoin, donc... Écoute, c'est pas grave, hein, t'as perdu, accepte ta défaite. Il me dit ça pendant que j'étais en train de sortir le couteau du pommeau, tu sais. Non, on en aura besoin encore. Hein. Bon, ok, tant pis. Du coup, tu acceptes ton sort de partir au trot. Ouais, ouais, j'accepte mon sort. Ok. Vous retrouverez le bon vieux ferrailleur un demi-après-midi plus tard. La nuit commence à tomber, il a déjà monté le camp. Eh, quand je vous disais que je courais vite, j'ai déjà réussi à semer un troupeau de Gendos à moi tout seul. Je suis impressionné. J'ai couru pendant 2 jours, sans m'arrêter, ni dormir, ni boire, ni manger, avec mon sac sur le dos. Il n'y a aucun moment où j'ai abandonné la moindre relique. Ouais, et à ce niveau-là, c'est plus de la rapidité, c'est de la connerie. Connerie ou pas, vous me devez 106 lettres de change. C'est vrai. Et tu vois Mokosh qui part. C'est vrai. Non, oui, bah je sors l'argent et je lui donne, écoute. Ok, je te laisse retirer 106 lettres de change de ta fiche de personnage. Genre, hey Flux, tu me prêtes ton pistolet? Non. Vous voyez qu'il sort un petit coffre dans lequel il les range, il le referme et le remet dans son sac. Bon allez, je vais aller chasser 2-3 trucs. Ça vous dit sûrement, je... Il devrait y avoir quelques chats qui se baladent dans le coin. Ouais, ok. Parfait. Vous savez que les chats sauvages, on en avait déjà parlé, mais ce sont pas les petits... Oui, pas les chats. Ce sont pas les chats comme nous, on l'entend, mais plus... Des chiens. Tout gros chiens, en effet. Enfin, des chiens même, oui. Assez rapides. S'ils sont bien cuits... Quelqu'un va venir m'aider ? Pourquoi ? La chasse n'est pas trop mon domaine. J'en suis. Le juge ? Et vous autres ? Oh, je suis bien ici. C'est pas mon domaine non plus, la chasse. De ton côté, Antoine, du coup, enfin Jacquard, tu veux me faire un jet de survie, instinct survie. Survival. Donc survival, yes. Et pendant ce temps-là, les autres, vous pouvez me dire ce que vous souhaitez vous faire. Vous êtes là, réunis autour du camp, la nuit commence à tomber. Faut que j'additionne instinct. Putain. C'est ça, instinct et survival, et que tu jettes les dés. Donc autant de dés que de points que tu en instinct, plus survival. D'ailleurs, si tu veux, je peux te le dire. Non, je fais, hein. Pardon ? Je le fais. Hein. D'accord. Alors, 5, 1, 5, plus 2. 5, 1, 5 et 2. Très bien. Tu vois que vous arrivez, donc j'avais pas dit, mais il y a une difficulté de 2. La difficulté de base est relativement souvent en 2. Lorsque tu participes à la chasse, tu arrives à récupérer toi-même une proie sous les ordres du ferrailleur. Qui lui, oula, lui, on obtient, bon, ça se voit pas très bien, mais plusieurs, j'ai fait 2 déclencheurs. Ce soir-là, donc, ce sera banquier. Vous les voyez, eux, qui reviennent un peu plus tard. Je voulais discuter. Vas-y, ouais. Oui, excuse-moi, en effet, j'ai sauté votre scène. Donc, vas-y, tu peux t'exprimer. Dites-moi, que pensez-vous de la femme ? Vous pensez que tout est vrai ? Écoutez, enfin écoute, comme je disais à cette dame, j'ai un peu de mal avec les sciences occultes et autres croyances de ce genre. C'est pour ça que je lui ai demandé de m'apporter une petite... preuve de ce qu'elle est capable de faire, et je dois dire que c'est plutôt convaincant ce qu'elle m'a donné comme message. puis-je savoir si ce n'est pas trop indiscret ce qu'est ce message? Disons que nous étions trois auparavant. Et c'est une amie qui nous était chère. C'est pour ça que c'est un peu toujours difficile de parler d'elle, mais et malheureusement elle n'est plus. Et du coup, comme elle a dit qu'elle pouvait parler avec les morts, je lui ai demandé d'essayer de me prouver qu'elle puisse le faire. Et avec ce mot, disons que c'était plutôt convaincant. Et pourquoi cela? A priori, c'était un mot qui venait de sa part. Et qui m'était adressé, et je pense que Mokosh a eu la même chose de son côté. Et donc, au vu de ce qui était écrit sur le mot, je pense que elle était, enfin, ça aurait pu tout à fait être elle qui me parle. Donc, c'est plutôt difficile de tricher là-dessus, puisque je pense qu'elle ne la connaissait pas. Oh, y a toujours une probabilité pour tout. C'est sûr, mais bon, après, il faut des fois essayer d'y croire. J'essaie d'y croire aujourd'hui, on verra. Je donne une chance. Cas, et vous, mademoiselle? En tout cas, si c'est un coup monté, il est bien foutu, parce que le mot qui m'était adressé parlait aussi de la réserve de Abby, et je l'ai sur moi à présent. C'est tout ce que ça vous fait, près... Flux. C'est vous... à peu près à ce moment-là que reviennent les chasseurs avec leurs proies. Ils passeront la soirée à les vider et à les faire chauffer autour d'un feu. Venu le temps de les manger et puis de parler quelques moments. Et sinon, vous, qu'est-ce que vous savez sur le Catoré? C'est bien ma destination, si j'ai bien compris. Non, ça se vit. Une île avec des... des anabaptistes. Ok. Pardon? J'ai pas compris. Non, je crois que c'est une ville avec des anabaptistes. D'ailleurs, je vais pouvoir vous proposer, vous, in-game, si vous le souhaitez, de me faire un G. Pour savoir d'ailleurs exactement ce que vous savez sur la ville. Parfait. Je vais vous demander un jet d'intelligence plus légende. Avec une difficulté de 2. Sachant que les personnages venant de Purgaré ont un dé supplémentaire. Que les ferrailleurs et les chroniqueurs peuvent ajouter leur historique réseau au nombre de dés. Donc réseau, c'est network, si je n'ai pas dit. Mais ça, genre, je peux le faire parce que je peux le faire, ou il y a un compromis? Ah non, non, c'est en effet un bonus, c'est-à-dire que on part du principe que via ton réseau, tu peux obtenir des informations supplémentaires. Et les anabaptistes apocalyptiques ajoutent leur historique secret. Attends, pour rappel, là, intelligence plus légende, bonus de 1 si vous venez de Purgaré. Éventuellement un bonus de network si vous êtes ferrailleur ou chroniqueur. Et un bonus de secret si vous êtes anabaptiste ou apocalyptique. Combien c'est de bonus déjà? C'est 4 ou 5? Pardon? C'est 4 ou 5? Comment ça? Ah oui, c'est 4 le seuil de réussite. À partir 4, 5 et 6 sont des réussites. 6 sont des déclencheurs. Pardon? 2, 4 sur 2. Ok, donc toi ça réussit. 4 réussites de déclencheurs. Oh, vous avez tous les deux. Ah. On en fait tous les deux. Eh bien, ouais. Au-delà de ça, vous êtes là à discuter autour de votre feu de camp depuis quelques temps. Le ferrailleur vous parle justement de Lucatoré Certains parmi vous savent bien plus de choses que les autres sur la ville, Mokosh en étant par exemple originaire. Nous avons également le chroniqueur qui lui s'est renseigné avant de faire la mission. Quant à vous deux autres, vous y connaissez pas plus que ça. Et comme je dis, les rares fois vous avez entendu parler de la ville, vous êtes même pas sûr que tout ceci puisse être vrai ou si ce sont de simples rumeurs comme il peut y en avoir relativement régulièrement. Et qu'est-ce qui vous amène là-bas ? Juste. Et les trois autres ? Une prophétie sacrée. Ouais. Jamais entendu parler ? De quoi elle parle ? Ouais. Vous comprendriez pas. Oui. Enfin, rien d'insultant envers vous, hein, Ferrailleur. Ouais. Il y a des savoirs. Ouais, Oui, c'est juste qu'il y a des gens qui sont au centre de la prophétie et d'autres qui sont dans le décor. Il y en a une qui en profite derrière. Vous avez soif ? J'ai pris des filtres à eau, mais bon, j'imagine que ça vous dérange pas de boire l'eau directement depuis la rivière. Moi c'est bien, je veux bien un filtre à eau, moi. Doric. Je veux, ça me dérange pas de boire directement la rivière. Doric. Oui. C'est quoi l'histoire de la prophétie? Je te raconterai après. Ouais, non, parce que moi, on m'a pas dit. ouais. Bon, je vais récupérer les filtres. Bah, pendant qu'il s'en va, je lui dis, ouais, non, il y a une histoire une grande tragédie qui est sur le point de se passer et on doit enquêter là-dessus pour éviter que ça arrive ou voire même l'arrêter. Donc on verra. Pour l'instant, on en sait encore très peu, donc il faut déjà s'y rendre. Il faut déjà vérifier que le car est vrai, déjà. Voilà. Je rappelle que la source, c'est quand même la femme. Vous avez déjà entendu pas mal de fois parler de voyants ou autres devins autoproclamés qui s'avéraient finalement être des charlatans ou des manipulateurs relativement forts. Il n'empêche que le ferrailleur revient quelques temps plus tard avec ses filtres à eau. Vous buvez, vous allez vous coucher. Vous faites des tours de garde, j'imagine. Je suppose que c'est le truc basique. Vous vous réveillez au petit matin. Aussitôt la tente démontée, aussitôt vous repartez. Vous sentez que le gars a quand même de nombreuses courbatures. Il a un peu plus de mal à marcher qu'hier. Et tout va se passer ainsi de suite pendant quelques jours. À partir du deuxième jour, vous pourrez vous arrêter dans des villes ou des villages quasiment chaque soir. La tente vous sera quand même utile de temps en temps. Vous allez chasser parfois, le reste du temps manger à l'auberge. De temps en temps, vous voyez le chroniqueur qui sort son imprimante à lettre de change pour encaisser quelques frais. Mais de temps en temps, c'est également à vous de payer. Dans tous les cas, je ne vous demanderai pas de le déduire de vos fiches de personnages. Le trajet entier va durer 5 jours. Au bout de 5 jours, si vous regardez le plan que vous avez envoyé, vous apercevez enfin les Alpes, et surtout l'Helvetica. Vous commencez d'ailleurs, plus vous vous rapprochez, à rencontrer de plus en plus souvent des escortes d'Helvetic. Donc ces grands gardes en armure, technologiquement surdéveloppés. Ce sont eux qui gardent les douanes et qui font payer les gens qui veulent passer. Ici, le poste de douane se trouve à Ropen. Alors, du coup, si j'ai bien compris, vous souhaitez y passer, c'est ça ? Oui. Plutôt que de vous aventurer vous-même. C'est ça fait. Très bien. Vous voyez, vous êtes accueillis par l'un d'entre eux, qui arbore fièrement une moustache militaire Et je vous laisse déduire chacun d'entre vous 40 lettres de change de vos fiches de personnages. Oh bah moi, du coup, on les avait offertes. Évidemment. Hop. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, je vais vous demander si vous, ça ne vous dérange pas de fouiller vos affaires de fond en comble, c'est pour éviter le trafic de brûlures, vous comprenez. Après, vous êtes sûr que vous avez besoin de faire ça sur un hospitalier ? C'est vrai. Fais-moi un jet de, d'expression ou de négociation. Ou commandement, d'ailleurs. Non, n'importe quel jet de charisme, en fait. Enfin, sauf séduction. Non, vous êtes sûr, commandement ou négociation. Vous savez, je suis hospitalier. Allez, on va faire commandement. Ouais. Allez, avec un bonus de 1 dé. Oui. Je vais lancer 5 dés de défense parce que c'est quand même un militaire, il a quand même une bonne défense mentale. Eh bien, c'est pas terrible. Ah, t'as lancé un dé supplémentaire pour l'uniforme ? Ouais. Eh bien, j'ai fait une réussite, mais malheureusement, 2-1. C'est le mec qui a plein de farine, tu sais, quand il est à l'aéroport. Non, je vois pas de quoi vous parlez. Je suis déguisé en hospitalier, mais je ne suis pas en hospitalier. Désolé, c'est pas comme ça que ça marche. Et d'aucuns diraient que vous êtes en train d'essayer de me corrompre. Non, loin de moi cette idée, c'est juste que vous savez très bien. Vous deux là, fouillez-les. Vous voyez des hommes en armure suréquipés. Si jamais vous avez oublié à quoi ressemble un helvétique, je vous invite à rejoindre le salon des Genesis, Sacrifice Everything, et de remonter quelques secondes. Vous voyez ces gardes suisses qui commencent à s'approcher de vous. Bon, écoutez-moi, si jamais vous avez des choses à déclarer, faites-le maintenant. On gagnera du temps. Bon. Bah écoute, après moi j'obtempère. Je porte du matériel pour mon supérieur et collègue ici présent, l'hospitalier. Je porte pour lui des affaires donc dont il a besoin a priori pour son métier d'hospitalier, enfin pour son, ses activités. Quel genre d'affaires ? Le genre d'affaires qu'un hospitalier récupère sur des personnes qui ne sont pas censées l'avoir et qui le gardent sur lui pendant son voyage avant d'arriver au hospital. Tout à fait. Je me rappelle de cela. Écoutez, on a croisé un petit groupe de personnes et nous avons confisqué leurs affaires. Vous savez à quel point nous sommes intransigeants sur certaines choses. Il n'est pas. Oui, mais de qu'un direct en de faire passer de la brûlure en douce. Ah non, c'est juste. C'est bien de ça qu'on parle. C'est juste que je l'ai donné à mon ami et je n'ai pas forcément. Écoutez, juge, quand vous aurez passé cette frontière, les gens comme vous n'auront plus aucun pouvoir. Ici, c'est chez nous. Peut-être, mais je pense que nous partageons tous cet idéal de justice et de punition pour les criminels. Fais-moi un jet de considération. Alors, avec un bonus de 1 également, étant donné que t'as la tenue de l'emploi. Donc charisme, négociation. Même si de souvenir, c'est pas ton. Négociation. Fort. Négociation, pardon, considération. Mais donc, c'est quoi en conduct, je pense. Oui, conduct. T'as dit un bonus ? Un bonus de 1 dé, vu que t'as la tenue de l'emploi. 5 et 3. Pardon ? 5 et 3. 5 et 3 ? Ouais, on va tester. Malheureusement pour toi, ça ne passe pas. Après, c'était pas particulièrement une tentative de corruption. Oui, non, bon, c'était une manière de l'influencer. Faites voir ce que vous avez. Bah, du coup, je monte mes affaires, moi je lui file mon sac, enfin tout ce que je peux lui montrer. Tu sors le sac des brûlures ? Bah écoute, pour ouais, le coup, c'est Mokosh qui l'a. Oui. C'est Mokosh que. Ok. Waouh. Tu vois le mec qui commence à l'ouvrir. Ah oui, c'est pas une petite prise. Et vous voyez. On a un sac entier, hein. Ouais. On pouvait pas laisser ça dans la nature. Ouais, je me devais de le confisquer pour aller, ne pas laisser cette brûlure infester les quartiers. Confisquer, ouais. Écoutez, je suis hospitalier, je suis pas n'importe qui. C'est ce qu'on dit. Vous allez en tirer combien de ce sac? Rien, il va être détruit. Vous pouvez le détruire maintenant dans ce cas-là. Ah ben moi, ça ne pose aucun problème. Vous voulez vraiment être sûr de vouloir respirer les vapeurs de ces choses? Ouais, pas faux. Effectivement. Vous avez pas envie, croyez-moi. Pour avoir vu la bande d'apocalypse qui passe là. C'est beau coche. Faites-moi chacun un jet de perception. Donc instinct perception. Perception. Oh. De mon côté, j'ai fait 3 réussites, dont 2 déclencheurs. Plus à mon goût. 3 réussites. 3 réussites, un déclencheur. Mmh. Les autres aussi, hein. Mmh. Juste un petit souci technique, mon téléphone a plus de batterie, du coup faut que je l'allume sur ce PC-là, mais comme il y a déjà les webcams, il galère. 3 réussites... Non, c'est à 3 réussites de déclencheur pour... Jacquard. Mmh. Ouais. Mmh. Allez, putain. Bon. Ah si, ça y est. Pardon, du coup, c'est quoi le G? Perception, instinct perception. Du coup, on est sur une égalité avec Jacquard, mais étant donné que mon quatrième dé affiche un 1, je vais considérer que ça va rompre l'égalité et que Jacquard l'emporte. Sur donc cette dualité perception et discrétion. Et du coup, en effet, Jacquard t'observe l'un d'entre eux s'emparer d'un bourgeon avec sa main au moment où il fouillait le sac et le laisser glisser dans sa manche. Dites-nous, c'est pas que je cautionnerai pas cette consommation illicite de drogue, mais vous pouvez lâcher ce que vous venez de prendre, monsieur? Je le regarde avec un regard bien lourd. Pardon, c'est à moi que vous vous adressez? Oui, c'est à vous que je vous adresse. Vous venez de vous saisir d'un bourgeon dans ce sac, monsieur. Secouez votre manche. Tout de suite. Tu vois qu'il secoue son bras gauche. Alors qu'évidemment, il l'a pris du droit. Ouais. Bon, allez. Là, dans l'autre bras. Tout ceci est ridicule. Puis tu commences à voir l'autre qui se retourne vers son pote. Vas-y, fais ce qu'il dit. Quoi? Mais tu me fais confiance quand même. Fais ce qu'il dit. Et au moment où le mec secoue son bras, évidemment, le fameux bourgeon tombe au sol. Ben, c'est lui qui l'a mis là. C'est lui qui l'a mis là. Moi, je suis offusqué. Hein. Attendez. T'as de la chance que j'ai aucune étoile ici. Voyons, monsieur. Vous risquez votre vie hein, en faisant cela. C'est mais non, mais c'est pas ce que vous croyez, c'est... Oh, et puis c'est... merde, allez-y. Bon, je reprends le sac, alors. On vous fait confiance. Okay. Mais attention, hein, si jamais on retrouve... une trace de ces bourgeons sur le marché. On saura que c'est vous. Je suis hospitalier, ouais. Monsieur. Si jamais je trouve une de ces traces de ces bourgeons sur mon marché à moi, est-ce que ça veut dire que c'est toi? Allez-y. Tu vois que toi, le juge, il te regarde avec cet air de rivalité autoritaire. Je donne le sac à Mokosh. Merci. Mais je lui fais un regard genre. Tu me refais plus jamais ça. Je le prends. Tu veux t'en emparer? Si ça vous dérange pas. Oh bah moi, vous vous débrouillez ensemble. Hein, moi je. Faudrait pas qu'il y ait des utilisations abusives, disons. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Mokosh? Je le garde avec moi, ça a une valeur sentimentale. Excuse-moi. Ouais. Sauf que avec moi, ça marche pas ce genre de truc. Écoute-moi, vous vous débrouillez. Et on est censé passer un bon trajet cordialement, sans aucune dispute. Alors, pas le con, Mokosh. De toute façon, si t'as rien à te reprocher, pourquoi tu me donnes pas ça? Tiens, apprends-le. Non, merci. Bon, et je le range dans... sous mon trench. Ok. Là-dessus, vous continuez. Le long du chemin, jusqu'à atteindre la frontière. Vous passez au niveau de l'avant-poste de Moreno. Vous pouvez le voir sur la carte. Vous y voyez d'autres recrues helvétiques qui sont là en train de monter la garde. De ton côté, Mokosh, tu sais très bien que, étant donné que il n'y a plus de raison vraiment d'avoir de défenseurs, en tout cas le... la pure garée, mais notamment le Catoré, n'a pas été attaqué depuis depuis quasiment maintenant 50 ans. Enfin, presque. Les Icars qui sont là ne sont que de simples recrues qui sont là juste pour faire du zèle. Vous les passez sans trop de problèmes. Vous les voyez qui vous surveillent de loin, mais qui viennent pas vous contrôler à leur tour. Et la route, cette fois-ci, pour rejoindre le Catoré, est la fameuse route d'Eden. Souvent une route de pèlerinage utilisée par les apocalyptes, les anabaptistes. Le principe de la route, c'est qu'elle traverse une bonne partie du pays et que sur son chemin se trouvent de nombreuses villes fortes anabaptistes, dont la première étant Lucatoré. Dans le coin, pour la petite histoire, vous avez aussi d'autres villes comme Bermago, que vous pouvez apercevoir au sud-ouest de la carte. Celle-ci est plus une espèce donc qui est déjà plus grande que Lucatoré. Et Mokosh, je sais qu'elle est réputée pour son marché et pour les chroniqueurs qui s'y trouvent. Dans tous les cas... Pardon ? C'est en dessous de Tyranno ? Ouais. Dans tous les cas, vous voilà sous la route d'Eden, sur la route d'Eden. Vous voyez le paysage de la pure garée qui contraste complètement avec celui de la Borka. Là, vous étiez habitué à voir des déserts jonchés de cratères et de poussière rouge. Vous avez ici le droit à voir des montagnes, des arbres, de la verdure, des chemins de terre entretenus et boueux. Vous voyez au sud ce qui semble être un marécage. Vous n'en passez pas si loin que ça. L'air est beaucoup plus humide que celui de la Borka. Et les quelques paysans que vous allez croiser parlent une langue qui, pour certains d'entre vous, ne vous est pas habituelle. D'ailleurs, est-ce que certains d'entre vous n'ont qu'un seul point en intellect-science ? Puisque votre score en intellect science correspond au nombre de langues que vous êtes capable de parler. J'en ai 4. J'ai 0 en science. Ok, donc tu peux parler 2 langues, donc pour l'instant ça ne pose pas de problème. Les deux autres? Ah bah moi j'ai 6 en tout, donc... Ok. Normal, t'es un médecin. 2 en intellect, rien en science. Ok, Dans tous les cas, toi, c'est ta langue natale, que, donc tu... tu la connais de base. J'ai oublié. Donc en fait, c'est le borkien que je parle assez mal en réalité. Depuis le début, Mokosh parle en... Mais c'est... En fait c'est... On vient de comprendre pourquoi Mokosh parlait jamais. Parce qu'elle ne maîtrise pas la langue. Maintenant, elle va faire... Bon alors, c'est bon. Allez, viens, ça m'aide. Bah non, au contraire, elle parle même du coup trois langues. C'est... Je fais les checks avec tous les gars que je vois. Hey, check, man. Hey, comment ça va, la famille? Hey, Proust. Donc nous, du coup, voilà, vous passez par l'antique chemin de pèlerinage d'Anabaptiste. Vous venez de traverser les Alpes et cela va faire plusieurs jours que vous marchez. La nuit ne va pas non plus tarder à tomber et vous allez arriver en ville au soir. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que toi, Flux, tu sors de ton sac un plan de cette dame. Flux. Et Flux, oui. N'essayez point de me genrer, monsieur. Je n'apprécie pas. Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Hop là. Vous pouvez ici y apercevoir le plan du Catoré. Je ne peux pas le voir parce que mon ordi rame trop. Pas de soucis. Simplement, plus vous en rapprochez, plus vous en rapprochez, plus vous quittez le chemin pour rejoindre cette route. Vous commencez par apercevoir toutes les fermes anabaptistes qui l'entourent. Vous... Alors, je me permets. Voilà. En effet, voilà, vous commencez par passer par les fermes. Vous apercevez les grandes murailles de la ville au loin qui l'entourent et le cloître qui s'en détache. En passant par la tour de défense qui se trouve juste à l'entrée, vous voyez des anabaptistes s'approcher de vous. Mokosh, tu les vois qui s'adressent à toi dans un langage proche du borkéen, mais qui t'est beaucoup plus familier. Hola. Voilà. Que faites-vous ici ? On est de passage, on est... De simple voyageur, très bien. C'est ça. Eh bien, si vous le souhaitez, après vous. Très bien, merci. Vous connaissez un peu la ville ou vous avez besoin de quelques informations rudimentaires ? Je connais plus ou moins, mis à part s'il y a eu des changements depuis... je sais pas combien d'années ça fait. Depuis... années. Eh bien non, pas grand chose, vous savez, hein, c'est toujours la même ville. Mais du coup, vous êtes du coin ? Oui, je passais... Peut-être que vous ne revient pas. Oh, ça fait un moment que je suis parti quand même, mais oui, j'ai grandi ici. D'accord. Eh bien, bon retour chez vous. Vous les voyez qui vous saluent tous les uns après les autres. Ces orgastiques anabaptistes, armés de leurs espadons. Ouais, elle doit avoir l'accent du coin, là. Wesh, bro. Exactement. Oh, en fait, si jamais vous souhaitez loger quelque part, vous connaissez l'hospice ? En effet, t'en as déjà entendu parler, c'est là qu'on loge globalement les... Ouais, je connais. Ok, eh bien... juste là. Ouais, j'ai dit que je connaissais. Écoute, nous on parle... Enfin, moi je parle pas, du moins, hein, je laisse gérer Mokosh, il gère tellement bien. Ouais, je connais. Ouais, totalement. Je connais. Ouais, je connais, c'est bon, je connais, ouais. Hey, casse-toi là. Non, c'est bon, je connais. Parfait. Bon, bah, on va se mettre en route du coup. Ok. Vous rentrez dans cette ville, vous découvrez l'architecture anabaptiste. Vous passez dans ces petites rues d'allées, croisez un nombre incroyable d'anabaptistes, ou en tout cas de personnes tatouées au visage, sur le front notamment, avec ces trois symboles. Toujours des symboles différents, toujours au nombre de trois. Ils sont là, ils discutent, ils comment dire, déambulent dans les villes. On aurait l'impression de voir les juges de justicienne. Vous voyez également au loin le cloître s'élever au-dessus de la colline. Comme vous pouvez le constater sur le plan, il ne se trouve pas à l'intérieur même de la ville, mais un petit peu plus loin. Étant donné qu'il est trop tard, ça va être compliqué de vous y rendre aujourd'hui si vous le souhaitez. Si je me souviens bien, le cloître, c'est un peu le Vatican des... Oui. Des anabaptistes. C'est ça, c'est globalement un fort qui est considéré comme imprenable. Il n'a jamais été capturé par l'ennemi. Et il sert de refuge au maître des lieux. Et à sa femme. Mais écoute, Mokosh, tu nous as dit qu'il faisait tard un peu là, non? Quoi donc? J'ai pas entendu. Tu nous as dit qu'il se faisait tard, c'est ça, hein? Oui, en effet, oui, la nuit commence à tomber. Okay. Du coup, vous avez faim, vous êtes fatigué, vous vous sentez épuisé après ces jours et ces jours de trajet. Du coup, Mokosh, qu'est-ce que ça vous dirait qu'on aille à l'hospice vu que tu connais? Ouais, on peut y aller. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous rendre. Mais j'ai pas envie. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre au Bélier Ensanglanté, qui est l'auberge principale de la ville. Si vous voulez y grignoter, c'est ici qu'il faut vous rendre. Ok. Mais de toute façon, elle connaît. Ouais, je connais. Eh bien, on te suit alors. Fais-nous un tour dans la ville. Vous pouvez voir sur votre gauche, donc. En effet, tu les emmènes au Bélier Ensanglanté. Tu vois, c'est l'auberge qui se trouve, en fait, le bâtiment quasiment au centre de la ville, sur le plan. Il suffit de suivre la rue principale et de traverser la place du marché. Vous voyez les étals qui sont là, prêtes à être déployées dès le lendemain matin. Et cette espèce d'agitation et de bruit, de ce son de musique qui émane du grand bâtiment juste à côté. Vous rentrez à l'intérieur et découvrez l'ambiance chaleureuse d'une taverne anabaptiste en plein milieu de la purgarie. Vous y voyez des gens parler couramment déjà la langue donc de purgarie, et qui racontent leur vie d'anabaptiste, qui parlent de Diémurge qu'il faut vaincre, ce mal tentaculaire qui ronge l'humanité depuis des décennies. Vous voyez également des artefacts Jametan accrochés et exhibés comme trophées sur les murs de l'auberge. Au moment où, Mokosh, toi, tu rentres dans l'auberge, tu vois quelques têtes qui commencent à s'illuminer. Mais dites-moi que c'est pas vrai! Mokosh? C'est bien toi? Oui. Tu reconnais là quelques têtes, quelques camarades de l'époque où tu n'étais encore qu'une jeune orgastique. Oui, c'est moi. Ben dis donc, mais qu'est-ce que tu fais ici? Les nouvelles sont bonnes, j'espère. Oui, plus ou moins, je suis juste de passage. Oh, ok, tant mieux. Bah, eh bien... Ces gens sont avec toi? Ouais. Bon. Il y a des nouvelles du coin? Des choses qui ont changé depuis? Oh, bah, tu sais, la routine... Si, malheureusement, je sais pas si t'es au courant, mais il y a quelques années, le fils de Neva et d'Altaïr est décédé. La tuberculose l'a emporté. Alors, je sais qu'à l'époque, l'ambiance était un peu à la fête, mais il est interdit de reprononcer son nom désormais, pour ne pas insulter sa mémoire. Voilà, je me permets de te dire ça, mais ça évitera de faire un incident diplomatique. Mais bon, j'ai envie de dire, tout le monde est passé à autre chose désormais. Et puis, comment dire ? On sait, notre alliance avec les Jametan ne s'est jamais aussi bien portée, même si, bon, on les tient pas énormément dans notre cœur, mais au moins... Bon. Ah bon ? On les a pas encore foutus dehors, ça ? Non, il y en a même qui commencent à cohabiter. Tu sais, le problème maintenant, c'est plus les clanistes. Je parle pas de ceux que vous avez en Borka, mais... On a quelques problèmes avec les clanistes aussi. Ah, les enfoirés. Bon, bon, voilà, si à l'occasion vous avez envie de partir à la chasse à l'homme avec nous, n'hésitez pas à nous faire signe. Le jour où ils apprendront à... Enfin... Je pense qu'on pourra s'inquiéter. La chasse à l'homme. Si on peut appeler ça des hommes. Mais bon, j'imagine que vous êtes plus placé que nous pour le savoir. D'ailleurs, vous savez que des clanistes, il y en a sans doute dans l'auberge dans laquelle vous vous trouvez actuellement, puisqu'ils englobent les clans, mais également les habitants... non converti au moindre culte dans le monde. Évidemment, ce n'est pas de cela qu'il vous parle quand il vous propose d'aller les chasser. On ne parle pas des habitants de la ville. Ouais. Bon, allez, laisse-moi te payer ta première bière de retour en Purgarie. Je veux payer une bière à tout le groupe, parfait. Je dis ça à haute voix, c'est pour que même ses potes à lui, ils entendent. Oui, bien sûr, oui. Ouais, tournée générale, c'est sa tournée. Moi, je prendrais une chope d'eau filtrée. Ouais. Tournée générale. Vous voyez le barman qui s'approche de vous, qui commence à vous servir vos verres. Vous avez un groupe qui se met à jouer d'autant plus fort cette espèce de musique classique médiévale. Et puis, un peu plus tard dans la soirée, on vous apporte à manger. Vous voyez, vous vous régalez. Vous mangez du sanglier, un truc typique purgar. Alors que ça ne l'était pas, d'ailleurs, fut un temps, mais... actuellement, c'est quasiment ici que vous pouvez en manger. D'ailleurs, toi, Torik, c'est la première fois que tu en manges de ta vie. Et toi, le chroniqueur, sans doute aussi. Quand il mange de la nourriture, le chroniqueur... Comment ça se passe? Tu vois son masque en effet. Mon masque s'ouvre. Et ça fait. D'accord. J'aimerais bien m'amuser à quand le masque s'ouvre pour bouffer. Essayez de voir rapidement ce qu'il y a sous le masque quand il s'ouvre. T'arrives même pas à distinguer la couleur de sa peau. Sans doute qu'il doit y avoir un deuxième fond. Qui s'ouvre lorsque l'autre partie du masque est refermée. Oui, en effet, ça lui fait cette espèce de visage d'araignée. Du coup... C'est assez étrange, même si t'es pas trop fan des chroniqueurs, c'est la première fois que t'en vois un avec un système aussi développé. Tu vois, c'est vrai qu'ils tiennent régulièrement à cacher leur visage pour entretenir ce mysticisme autour d'eux. Mon coach, elle est là. Ah, mais non, mais je fais même pas semblant de me cacher. Et toi, Flux, tu vois Mokosh faire des petits à-coups parce que ta mâchoire sort. Mon visage, c'est un coup par ma gauche. Droite. Mais mange moins vite, on voit rien. Attends, je peux mettre mon doigt. Vous ne dépenserez ce soir que 5 lettres de change chacun. Je vous laisse les déduire de votre fiche de personnage. Ah, ici, c'est pas gratuit. Étant donné que moi. La tournée a été payée. Pardon ? Ici, c'est pas gratuit pour moi. Ah non, ici, c'est pas gratuit. Ah non, on n'est plus au niveau du prétectorat ni de la Borka. Les Spitaliers n'ont pas la même réputation. Par contre, une fois de retour au pays, tous les repas seront gratuits. Enfin, du coup, en tout cas, dans la plupart des auberges. Oui. En termes de loi ici, vous avez un sort de connexe. Oui, il y a des préceptes à respecter, en effet. Non, parce que je connais pas trop là vos. Il faut respecter l'ordre et tout ça, c'est classique. Il y a certaines différences par rapport à chez nous, enfin chez vous. Ouais, non, mais je me dis, étant donné ce que vous aviez sur vous, est-ce que c'est permis ici ou bien non ou... Alors, le fait que je l'ai sur moi avait aucun rapport avec le fait que je pourrais en consommer. Mais en effet, c'est plus ou moins accepté ici vu que les orgastiques, dont je fais pas, font partie, sont du genre assez fêtards et à foncer sur le champ de bataille sous divers produits. Même si ça reste évidemment. Sous le manteau. Illégal, évidemment. Ouais, c'est ça. Même si c'est religieusement. Mais bon, paraît-il que certains hospitaliers aussi, notamment les préservistes. Oui, tiens, d'ailleurs, Toric. Je suis pas préserviste. Désolé. Non, mais. Non, Toric. Reste un terrain. Oui. Pas t'en débarrasser. Fais là. Quand on ira de ça, là. J'étends le. Si tu veux, je vais m'en occuper. Vous avez en plein milieu de la taverne le juge qui sort un paquet de brûlures. Non, mais. Il sort la table et le temps hospitalier juste devant lui. Il me donne le 50, il me donne pas. Oui. Attends, tiens. Oui, non, évidemment, il était pas trop. Laisse-moi te donner ce paquet de. Un peu plus tard dans la soirée, une fois que la fête a commencé à se calmer, vous vous rendez jusqu'à l'hospice. Vous y découvrez ce vieux bâtiment, humide et froid. On vous accueille de manière plutôt terne. Vous avez cet homme qui vous dirige jusqu'à vos chambres. Vous avez une chambre commune pour quatre, avec quatre vieux lits. Vous voyez ces draps qui sont sales, cette moisissure qui se répand sur les murs. L'hospice, globalement, peut accueillir jusqu'à une trentaine de personnes. Ça a baissé en qualité, de ce que je m'en souviens. Vous commencez à poser vos affaires. Ouais. Et... Je sais pas si vous l'avez entendu, mais oui, quelqu'un vient de toquer à votre porte. Oh. Oui. C'est qui, quoi? Je me permets... Nous n'acceptons pas les témoins de Jéhovah. Avez-vous déjà entendu parler de... de l'UPR? Avez-vous déjà entendu parler du prophète Jéhamé? Tu sais que... En vrai, j'y ai pensé direct. Avez-vous déjà entendu parler de l'anabaptisme à la religion? La porte s'ouvre et vous voyez un serviteur de la maison Benessato qui vous ouvre. Enfin, qui se trouve là dans l'encadreur. Pour vous remettre assez rapidement dans le contexte, la maison Benessato, en un seul mot, mais exactement. Je l'avais pas pensé. Ça veut dire qu'on le fout à la poubelle, ça, Benessato. Eux, ce sont un groupe de clanistes, dont l'aîné et le frère d'Altaïr le Baptiste, qui était à la base issu d'une famille de clanistes et s'est converti à la foi. Son frère de son côté. Pardon ? Un claniste, c'est ça? Donc celui qui vous ouvre actuellement est un claniste. Un serviteur de la maison. On devait faire quoi déjà avec Altaïr? Pardon? Les gens? Il y avait une histoire avec Altaïr, non? On devait dire quelque chose à Altaïr. Ah, vous avez rien à lui dire, non. C'est simplement celui qui dirige la ville et qui fait partie du conseil des anabaptistes. Donc c'est vraiment un héros de guerre vénéré dans tout le pays. Non, t'as pas compris. Il faut pas lui dire, justement. Et du coup, bah, moi je me lève directement parce que moi, avec claniste, j'aime bien ça. Tu t'approches de lui. Vous êtes un. Oui. Oh. Excusez-moi, je suis terriblement embêté de vous déranger ainsi, mais on vient de me faire part que. Les chambres allaient être réquisitionnées. Je tourne genre la tête vers Mokosh, même si du coup mon regard ne peut rien dire parce que je n'ai pas de regard. Ouais, réquisitionné par nous. C'est-à-dire qu'il y a environ une cinquantaine de flagellants qui vont bientôt rentrer en ville et qui doivent avoir un endroit au coucher. Mais ne vous inquiétez pas, nous, vous savez, c'est dit pour nous. C'est une tradition. Malheureusement, nous avons pile poil le bon nombre de lits. Alors, nous avons décidé de vous emmener à la maison des émissaires, si vous le voulez bien. Elle se trouve à l'extérieur de la ville, juste à l'entrée. Eh, t'en penses quoi, Mokosh? Mokosh, tu sais de renom que la maison des émissaires, qui à la base était destinée aux émissaires, est bien plus luxueuse que ce petit vieux taudis qu'est l'hospice. Mais avec plaisir. C'est encore désolé. Je demande que ça, claniste. Au frais de la maison? Oui, bien sûr, au frais de la maison. Vous aurez même le gîte et le couvert offert. Vous savez, c'est presque une tradition ici que de loger n'importe qui. Enfin, vous me comprenez. Souhaitez-vous que je prenne vos valises, chroniqueur? Mais avec plaisir. Très bien. Tu le vois qui se dirige jusqu'à tes affaires. Nous allons emmener vos chevaux à l'écurie. Ce sera fait, vous pourrez les récupérer dès demain matin. Et il vous accompagne jusqu'à la maison des émissaires, qui se trouve justement à l'entrée de la ville. Vous voyez une jeune femme qui vous y attend. Vous arrivez jusqu'à elle, vous la voyez, elle est brune, et semble faire partie également des anabaptistes. Enfin, en tout cas, des clanistes affiliés aux anabaptistes. En tout cas, elle travaille pour eux. Bonjour, messieurs. Bonjour. On m'a demandé de vous loger pour toute la durée de votre voyage. Je ne sais pas combien de temps vous désirez rester en ville. Nous ne savons pas non plus. On n'a pas vraiment décidé de date de fin. Très bien, écoutez, si vous voulez bien me suivre, à ce moment-là, elle vous ouvre la porte. D'accord. On rentre vos affaires et vous y découvrez un petit salon relativement coquet. Il semble y avoir une arrière-salle qui pourrait être sa chambre, puisqu'elle vous conduit jusqu'à l'escalier. Et à l'étage, vous y découvrez une chambre chacun. Dans un état bien supérieur à ceux de l'hospice. Vous y avez de lits très confortables, pas la moindre trace de moisissure et plusieurs livres accumulés sur des petites tables. Et Toric, toi, évidemment, tu prends la chambre la plus propre. Eh bien, voilà, voici vos chambres. Dès demain matin, j'irai faire le marché, je ramènerai de quoi manger. Alors, si vous avez des désirs particuliers, n'hésitez pas. Et c'est quoi votre nom, mon petit? Ma petite. Dana. Merci beaucoup, Dana. Bonne nuit. Eh bien, bonne nuit à vous. Vous devez être fatigué après un si long voyage. D'où venez-vous? Moi, du protectorat. Ah, le fameux protectorat. C'est ça. Ah oui, donc... Décidément, oui, ça doit faire un long voyage. Oui. Eh bien, je ne vais pas vous déranger plus longtemps que ça, après vous. Quand je dois dire que les chambres sont impeccables, c'est parfait. Je vous mettrai une bonne note sur TripAdvisor. Eh ouais, exactement. Je conseillerai mes amis hospitaliers pour venir... À ce moment-là, elle souffle les dernières bougies qui éclairaient légèrement la pièce. Vous rentrez chacun dans vos chambres et vous vous retrouvez plongé dans le noir, simplement éclairé par le reflet de la lune qui filtre à travers vos carreaux. Vous y passerez l'une des nuits les plus agréables depuis quasiment plus d'une semaine. Toi, Mokosh, ça te fait beaucoup de bien de te retrouver à nouveau parmi les tiens. Malgré tout, vous serez réveillé en sursaut dès le lendemain matin. Chacun d'entre vous. La corne de chagrin résonne à travers la ville. Vous vous levez de vos lits, vous habillez rapidement, et vous entendez au rez-de-chaussée de l'agitation. Vous voyez Dana se précipiter encore en pyjama au niveau de la porte. Elle l'ouvre et regarde à l'extérieur. Vous descendez les escaliers pour la rejoindre et voyez la ville qui a l'air complètement en furie. Des anabadistes et des clanis qui remontent le long de la grande route pour rejoindre l'intérieur de la ville. Qu'est-ce qui peut donc bien se passer ? Vous commencez à les suivre et petit à petit, la triste conclusion commence à arriver jusqu'à vos oreilles. Vous voyez ces gens en larmes qui commencent à s'écrier en l'air « Pourquoi ? Mais pourquoi ?» Alors, lorsque toi, Torik, l'interpelle pour lui demander ce qu'il se passe, tu entendras simplement ses dernières paroles. « C'est Altaïr, notre chef. Il a été assassiné !»